Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. C'est pour nous un bonheur immense de vous retrouver chaque matin sur la radio pour Méditons ensemble. Nous bénissons la vie de tous les auditeurs qui prient et qui lisent la Bible avec nous. Notre prière, que vous soyez transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce fasse de vous un puissant ambassadeur du royaume des cieux. Pour ce 41e numéro de Méditons ensemble, nous lisons Jean chapitre 9, le verset 35 à 41. Jean chapitre 9. Les versets 35 à 41. Sans conteste, Jésus savait que ce mendiant avait tenu la dragée haute aux religieux bafoués dans leur orgueil. Il prend à nouveau l'initiative dans le but d'éclairer complètement cet homme et de l'emmener ainsi à une foi vraie, celle qui donne la vie éternelle et pas seulement la possibilité de voir le soleil. C'est en même temps un appel à s'engager avec lui. Ce miraculeux avait peut-être été aveugle et mendiant, mais de toute évidence, c'était un battant. Il avait la constitution du futur disciple qui, dans la tourmente des persécutions à venir, n'aura pas froid aux yeux. C'est très clairement la raison pour laquelle Jésus le cherchait. Il savait que ses jours de ministère étaient comptés et qu'il lui fallait préparer la relève avec des disciples qui ont la trempe de cet homme afin de continuer sa tâche au travers de l'Église naissante. Nous vous proposerons des vérités bibliques et des enseignements dans cette émission. Nous sommes très heureux de recevoir le professeur Patrick Adam, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, pour ce numéro de Méditons ensemble. La mise en onde est l'affaire d'Emmanuel Yao. Emmanuel Yao est secondé par Edouard Yao. Je suis à Dombi, Alex Pacom, pour vous servir. Bonjour, professeur. Bonjour, Alex Adombi. Nous allons avec vous prier. Et juste après la prière, nous allons lire Jean 9, le verset 35 à 41. Nous prions. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour ta parole que nous allons lire ce matin. Pour débuter la journée, nous prions que tu la bénisses pour nos âmes, tu nous nourrisses, Père, au nom de Jésus, et que ta parole soit profitable aussi à tous ceux qui te connaissent, qui t'écoutent, comme ceux qui ne te connaissent pas. Nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour ce lundi 17 février 2020, Jean chapitre 9, le verset 35 à 41. Nous lisons dans la Bible, version français courant. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, il le rencontra et lui dit : Crois-tu au Fils de l'homme ? Dis-moi, qui c'est, maître ? Répondit l'homme : Pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit : Tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, dit l'homme. Et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ses paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Verset 41 pour mettre fin à la lecture. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. Amen. » Amen. Merci de nous suivre chaque matin à travers les ondes. Nous bénéficions de l'assistant technique d'Emmanuel Yao, qui est secondé par Edouard Yao. Et pour ce début de semaine, nous lisons Jean chapitre 9, le verset 35 à 41. Et notre invité est le professeur Patrick Adam. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il est membre de l'église Lémussi Jubilé de Cocody. Bonjour professeur. Bonjour Alex Adam. Alors on va planter le décor avec le contexte. Le texte, on a commencé à le lire à partir du verset 35. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Donc, quel est le contexte de ce passage? Alors, le contexte, c'est que Jésus avait rencontré un aveugle de naissance et qu'il avait guéri. Et les pharisiens ont demandé comment est-ce que se fait-il que lui est un aveugle de naissance et puisse maintenant voir. Et la classe religieuse s'est mise en ébullition puisque c'était un jour de sabbat que Jésus avait opéré cette délivrance miraculeuse. Et finalement, le témoignage de ce aveugle de naissance qui a recouvert la vue a été rejeté par la classe religieuse des pharisiens. Oui. Et en fin de compte, finalement, l'aveugle de naissance a été excommunié, si j'ai pu m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il était vraiment chassé du temple. Oui. Le temple qui est le symbole donc, du judaïsme religieux. D'accord. Voilà le contexte de ce passage pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc, après qu'il a été excommunié ou chassé du temple, donc de la vie du judaïsme, Jésus le rencontre. Mm-hmm. D'accord, c'est la rencontre de Jésus, avec cet aveugle né, guéri, mais qui ne savait pas qu'il avait guéri, puisque Jésus avait opéré la guérison d'une autre manière. Oui. Hein, sans et puis il ne voyait pas auparavant. Donc il ne savait pas qu'il avait demandé d'aller se faire laver dans le réservoir de Siloué. Oui. Et après, donc, il ne sait pas qui l'a guéri. D'accord. Donc, après enquête et investigation, il se rend compte que c'est Jésus qui lui dit, ah, c'est Jésus qui l'a guéri. D'accord. Jean chapitre 9, le verset 35 à 41, nous allons observer le texte et puis ensuite l'interpréter vers la fin de l'émission. Nous allons appliquer le texte, vous proposer des pistes d'application, des enseignements, des leçons pour la journée et pour la vie. Nous allons donc mettre le pied dans le plat en ce qui concerne l'observation. Alors de quoi parlent ces versets? Nous lisons Jean chapitre 9, le verset 35 à 41. Alors, Jean chapitre 9, verset 35 à 41, donc après l'excommunion, ou l'excommunication de l'aveugle né guéri, Jésus, comme je l'ai dit, va l'accueillir, le rencontrer, et Jésus va se révéler à lui d'une autre manière. Mm-hmm. Parce que Jésus, il avait une connaissance floue de Jésus. Oui. Donc, il avait comme connaissance celui qui l'a guéri était un prophète. Mm-hmm. Puisque ce sont les prophètes en Israël qui procèdent à la guérison miraculeuse, ou des personnes envoyées par Dieu. Mm-hmm. Et c'est le témoignage qu'il rend de cette personne qui ne connaît pas vraiment qui l'a guéri. Il reconnaît que Jésus est un prophète, une personne envoyée par Dieu, une personne que Dieu exauce, que Dieu écoute. Voilà. Donc pour lui, il ne connaît pas vraiment qui est Jésus. Sa connaissance de Jésus s'arrête à là. À là. Donc Jésus le rencontre et Jésus lui révèle une autre dimension de sa personnalité, de qui est vraiment Jésus. D'accord. Voilà de quoi parle de ce texte, cette rencontre exceptionnelle qui procède à la révélation d'une autre dimension de la personnalité de Jésus à l'aveugle de naissance qui a été guéri. D'accord. Nous allons continuer l'observation sous les deux angles, les deux mouvements proposés par notre invité, le professeur Patrick Adam. Premier mouvement, le verset 35 à 38, la révélation du Fils de Dieu à l'aveugle né guéri. Deuxième mouvement, le verset 39 à 41, le jugement du péché, de la cécité spirituelle. Commençons par le premier mouvement, la révélation du Fils de Dieu à l'aveugle né qui a été guéri. Sont concernés les versets 35 à 38. Voilà. Alors, donc, l'aveugle né qui a été guéri a été excommunié du judaïsme religieux. J'ai dit que c'est symbolisé par le temple, puisque le temple était le symbole du judaïsme. Tous les juifs pieux étaient très attachés au temple. Et ils allaient régulièrement au temple. Donc, pour avoir confessé que Jésus est l'auteur de sa guérison et que Jésus est un prophète, une personne exceptionnelle qui honore Dieu et vient de la part de Dieu, l'aveugle ne guérit, se trouve donc dans la solitude. Il est excommunié, il est chassé du temple. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le rencontre, l'accueille et lui offre sa compagnie. Donc il va cheminer avec Jésus. Au cours de ce cheminement, le Seigneur Jésus saisit cette circonstance pour faire progresser l'aveugle ne guérit, dont les yeux ont été donc ouverts, pour le faire progresser dans la foi. Jésus lui révèle une autre dimension de sa personne, comme je l'ai dit, en lui posant cette question. Crois-tu au Fils de Dieu? Certaines versions disent Fils de l'homme, mais c'est Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu? Donc, c'est une question essentiellement fondamentale qui pose la question de l'identité de Jésus et qui, en effet, est posée à tous ceux qui, comme l'aveugle né guéri, reconnaissent que Jésus est un saint grand guérisseur, un prophète ou un envoyé de Dieu. Okay? Cette connaissance de Jésus ne sauve pas. Elle ne donne pas la vie. La réponse du verset 37 est la révélation que Jésus fait sur la nature de sa personne. Jésus fait la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Et comme Fils de Dieu, Jésus-Christ est une personne divine, objet de la foi et de l'adoration de l'aveugle né guéri, qui entre ainsi dans la pleine lumière de la connaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, pas seulement comme un prophète, un envoyé de Dieu ou un grand guérisseur, Ça, cette connaissance de Jésus ne sauve pas, puisque certains musulmans reconnaissent que Jésus c'est un prophète. Est un prophète. Mmh. Les juifs aussi reconnaissent que Jésus est un prophète, mmh. mais ils n'acceptent pas hein, le fait que Jésus soit fils de Dieu, Dieu incarné mmh. hein, qui a visité hein, la terre. C'est ainsi que donc la cécité de l'homme qui a été guéri est amenée ainsi à la lumière de la foi et à l'adoration du fils de Dieu. Il passe des ténèbres spirituel, puisqu'il a recouvert la vue, ça c'est la lumière physique qu'il mm-hmm. voit. Maintenant, il passe des ténèbres spirituelles, maintenant à la pleine lumière de la connaissance du vrai Dieu hein, qui le pousse à l'adoration. Mais aussi, il passe des ténèbres d'une religion judaïque corrompue qui refuse son Messie, hein, le Fils de Dieu, à la lumière et à la bénédiction de la présence du Fils de Dieu, du Messie que tous les Juifs recherchent. Voilà ce qu'il faut comprendre par ce premier mouvement. D'accord. Je résume la pensée, c'est que, oui. comme j'ai dit, mm-hmm. c'est le Fils de Dieu qui apporte la vie. Mm-hmm. Jésus, en tant que prophète, n'apporte pas la vie éternelle. Parce que plusieurs religions reconnaissent Jésus comme prophète, mais n'ont pas en adoration avec lui. Mm-hmm. Ils n'adorent pas Jésus. Un prophète, on ne l'adore pas. À la limite, on lui dit merci mm-hmm. pour les miracles, les guérisons qu'il fait, ou bien pour l'éclairage qu'il nous apporte. Comme on le voit dans l'Ancien Testament, on ne l'adore pas. Jésus n'a pas refusé l'adoration. Tous les prophètes ont refusé l'adoration, les vrais. Les anges aussi même ont refusé l'adoration. Mais Jésus n'a pas refusé l'adoration parce qu'il est parfaitement homme, et il est Dieu incarné, il est fils de Dieu. D'accord. Et c'est là qu'il apporte la vie éternelle, mm-hmm. il apporte la lumière, le pardon des péchés en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme, hein, parfaitement homme et parfaitement Dieu. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 39 à 41, mmh. le titre, le jugement du péché de la cécité spirituelle. Alors, donc, dans les derniers versets du verset 39 à 41 du chapitre 9, Jésus révèle l'état de cécité ou d'aveuglement spirituel des hommes religieux qui, semblables aux pharisiens, rejettent le fils de Dieu en étant incapables de voir, c'est-à-dire de discerner spirituellement mmh. hein, de discerner la déité ou la divinité de Jésus-Christ à travers son apparente humanité. Donc il fallait voir avec l'œil spirituel qu'au-delà de la personne de Jésus qui était là physiquement, c'était Dieu fait homme. Oui. Voilà. Et ça, c'était très difficile pour les pharisiens. Ils étaient donc aveuglés par d'autres éléments. Donc, toutefois, Jésus-Christ vient en grâce à ceux qui ne croient pas qu'ils sont aveugles, mais acceptent le message comme l'aveugle de naissance, acceptent la révélation, le message que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont spirituellement et moralement aveugles et pécheurs, hein, afin que la lumière de l'évangile illumine leur âme ténébreuse et vienne à la vie. Donc ça, c'est le message un peu adressé aux pharisiens. Les pharisiens ont demandé à Jésus, et nous, sommes-nous aussi aveugles? En fait, ils ont été vraiment interpellés, hein, ils ont été repris dans leur conscience par les mmh. paroles du Seigneur. Et ils ont demandé à Jésus, sommes-nous aussi aveugles? Donc dans sa réponse, le Seigneur Jésus les avertit que le rejet délibéré de l'envoyé du Père, du Fils de Dieu, tout en professant voir spirituellement être conducteur du peuple, constitue un péché très grave qui demeure sur eux et les fait plonger dans les ténèbres spirituelles sans possibilité de voir la vraie lumière qui est Jésus. Donc ça, c'est vraiment une leçon aussi pour nous. C'est que si nous disons que nous sommes des hommes religieux, comme aujourd'hui plusieurs disent qu'ils sont des hommes religieux, qui sont appelés à conduire hein, des hommes, s'ils refusent celui qui est vraiment la lumière, c'est que vraiment, ils ne voient pas spirituellement. Ils restent encore dans les ténèbres. Et c'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui peut illuminer l'âme, qui peut opérer ce qu'il a opéré autrefois dans la vie de l'aveugle de naissance qui a été guéri. D'accord. Méditons ensemble, s'intéresse à ce texte de Jean chapitre 9, les versets 35 à 41, qui fait suite à la guérison de cet aveugle né. Jésus le rencontre, et une rencontre exceptionnelle qui produit la transformation de cet homme. Nous allons, après l'observation, plonger dans l'interprétation. Trois questions vont nous aider à bien comprendre la portée spirituelle de ce texte. On va s'intéresser d'abord à la question 2 du lecteur de la Bible. Alors, qu'est-ce que ce texte nous enseigne sur Jésus-Christ? Alors, Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète ou un homme qui est venu de la part de Dieu, comme je l'ai dit. Oui. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu manifesté en chair. Et ça, les épîtres nous le confirment, et plusieurs textes de la Bible le confirment. Et pour preuve, l'ange Gabriel a dit à Marie, en Luc chapitre 1, verset 35, que l'enfant, le Messie qui naîtrait, hein, est fils de Dieu. Les apôtres dans la Bacque ont reconnu en Matthieu chapitre 14, verset 33, que Jésus est véritablement le fils de Dieu et l'ont adoré. Enfin, l'apôtre Pierre a répondu à la question de Jésus, « Mais qu'est-ce que les gens disent de moi, qui je suis ?» mmh. Et effectivement, les apôtres disent, « Ah, mais les gens disent que non, tu es un des anciens prophètes, oui. tu es Élie qui est revenu, mmh. tu es tel prophète, tu es tel messager de Dieu. » Il dit, « Mais et vous-même, qui dites-vous que je suis ?» L'apôtre Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Voilà, c'est ça Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans la barque, lorsqu'il a fait tomber la tempête, il y a eu un grand calme. Les apôtres, les disciples qui étaient autour de Jésus dans la barque ont dit, mais véritablement cet homme est le Fils de Dieu. Mm-hmm. Et ils l'ont adoré. Oui. Donc on adore Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Donc il ne faut pas s'arrêter à la simple connaissance de Jésus comme un prophète ou un messager, etc. Un simple, qu'on peut mettre au même titre que Moïse, Abraham ou d'autres les grands visionnaires politiques ou religieux de ce siècle, Mahatma Gandhi ou encore Moon. Par exemple, Jésus n'est pas au même titre que cela. Jésus est Dieu de toute éternité qui a pris une forme humaine et qui est venu visiter sa créature, les hommes, et leur apporter le salut pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils entrent au paradis avec lui. D'accord. Voilà qui est Jésus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre? Alors, il y a des exemples à suivre. C'est d'abord l'exemple de l'aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus. Oui. Il a progressé dans la foi, oui, dans la connaissance de Jésus. Donc, aujourd'hui, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont simplement la connaissance que Jésus est un saint prophète, un simple messager envoyé de Dieu, Jésus est en train de leur dire qu'ils doivent aller au-delà pour avoir la vie. Hein? Puisque l'aveugle a progressé dans sa compréhension de la personne de Jésus-Christ et dans sa relation avec Jésus. Donc, tous ceux qui nous écoutent doivent progresser dans une connaissance plus profonde de Jésus. Alors, Jésus, il est fils de Dieu. C'est à ce titre qu'il a le droit d'être adoré. Et c'est en cette qualité qu'il apporte la vie divine, la vie éternelle. Et c'est en tant que fils de Dieu qui s'est donné à la croix pour nos péchés. C'est pourquoi Jésus a posé cette question essentielle. J'ai dit qu'elle est fondamentale, elle est essentielle. Crois-tu au fils de Dieu? Et cette même question nous est posée aussi aux auditeurs qui nous écoutent mais qui ne sont pas chrétiens, ou bien ceux qui sont chrétiens mais qui sont arrêtés à la simple connaissance de Jésus comme prophète. Oui. Voilà. Ou bien comme un simple serviteur. Ou bien qui ne croient pas que Jésus soit Dieu manifesté en chair. Jésus, il est Dieu manifesté en chair, qui a pris une forme humaine et qui est venu accomplir le sacrifice pour la rémission des péchés. Alors, le deuxième exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple des pharisiens religieux, puisqu'ils ont rejeté délibérément le témoignage de Jésus-Christ comme fils de Dieu, sauveur. Ils ont excommunié l'aveugle né guéri. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Nous ne devons pas rejeter ceux dont nous ne comprenons pas le message. Okay? Nous ne devons pas rejeter ceux qui pensent que Jésus est le fils de Dieu. Si aujourd'hui, il y a un auditeur qui nous écoute et qui est en interaction avec un chrétien qui dit que Jésus est le fils de Dieu, il faut qu'il cherche à savoir davantage, puisque cette émission est très brève. Oui. Pourquoi dit-on que Jésus est le fils de Dieu? Et qu'il faut qu'il demande à Jésus de se révéler à lui. Jésus le fera. Voilà. Jésus, il est le fils de Dieu. Hein? On entend dire partout que Dieu n'a pas de fils. Quand on dit que Jésus est le fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a eu des rapports sexuels comme nous et des hommes pour avoir un fils. Ça veut dire simplement que Dieu a pris une forme humaine et qu'il est venu. Il s'est incarné, il est venu sur la terre et il a voilé sa divinité sous une apparente humanité comme nous, comme vous et moi qui m'écoutez. Voilà. Mais ça ne diminue en rien le fait que Jésus soit parfaitement Dieu et parfaitement homme, homme sans péché. C'est pourquoi on dit qu'il est le fils de Dieu, il est homme sans péché. Il est dit aussi qu'il est le fils de l'homme. C'est-à-dire, il est l'homme parfait. Il n'a pas de mauvaises pensées comme nous. Il n'a pas de mauvais des péchés, etc. Il n'a pas ça en lui. D'accord. Voilà pourquoi dit-on que Jésus est le fils de Dieu. Et les pharisiens, tous ceux qui ne croient pas ça, ils sont comme les pharisiens d'autrefois, qui sont prêts à rejeter ceux qui confessent que Jésus est le fils de Dieu et qui sont prêts à le crucifier. D'accord. On va enchaîner avec les vérités avant de conclure. Alors, quelles sont les vérités que nous pouvons partager avec les auditeurs? Les vérités, donc, déjà, sont implicitement dévoilées. Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu fait homme, digne de louange et d'adoration. Voilà. On adore notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu fait homme, il est le Fils de Dieu. Voilà. On ne va pas à l'église simplement parce que Jésus est un prophète, on va rencontrer les chrétiens. Non, Jésus, on n'adore pas seulement le Père, on adore aussi le Fils par le Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui est l'objet de l'adoration des chrétiens. Donc, il apporte la vraie lumière, la vie éternelle, la vraie lumière spirituelle et morale à quiconque, à celui qui croit en lui, à celui la passe des ténèbres à la vie. Donc si aujourd'hui il y a un auditeur qui nous écoute qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme fils de Dieu dans son cœur, nous l'invitons à le recevoir. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, fils de Dieu dans sa vie, demeure donc dans l'aveuglement spirituel. Ça c'est une vérité. Dans les ténèbres, quel que soit son titre religieux, son titre politique ou son titre professionnel. Voilà, celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, la lumière, le Fils de Dieu, il demeure moralement et spirituellement dans les ténèbres. Excusez-nous de vous le dire, ce n'est pas une injure, mais c'est ce que la Bible dit. Donc il faut vous en prendre à la Bible, pas à nous. La Bible dit que celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeure spirituellement aveugle. Il est encore dans ses péchés. D'accord. Jean chapitre 9, le verset 35 à 41, c'est ce texte que nous abordons pour ce début de semaine. Nous sommes lundi 17 février 2020. Le professeur Patrick Adam nous accompagne pour la méditation matinale. Nous sommes dans l'application, nous allons conclure. Alors, quels sont les enseignements, les leçons que nous retenons par rapport à ce passage? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes tous par naissance, biologiquement, des aveugles de naissance. Biologiquement, nous sommes tous des aveugles, c'est-à-dire nous sommes tous des pécheurs. Biologiquement, depuis l'entrée du péché dans le monde par Adam et Ève, tous les hommes sont biologiquement par naissance des aveugles, voilà, c'est-à-dire des pécheurs. Mais celui qui se reconnaît tel comme un pécheur et qui demande le pardon divin à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son péché est ôté. Il reçoit la lumière du pardon, la lumière de la vie. Maintenant, il peut spirituellement voir. Ça, c'est ce que nous devons retenir à travers cette histoire de l'aveugle de naissance. Vous voyez, on dit aveugle de naissance. Donc, par naissance, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous dans la cécité, dans l'aveuglement spirituel, par naissance. On n'y naît pas chrétien. C'est une erreur de penser que certains pensent qu'ils sont nés chrétiens. Non, on n'y naît pas chrétien, on le devient. Donc, comme Jésus a opéré la guérison de l'aveugle de naissance, Jésus aussi veut opérer la guérison de quiconque se reconnaît pécheur par naissance et qui le reçoit dans son cœur comme sauveur, comme Seigneur, comme Fils de Dieu. Donc, voilà ce que nous devons retenir d'essentiel de ce test. Merci, professeur Patrick Adam. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Vous êtes membre de l'église méthodiste unie Temple Jubilé de Cocody. Nous avions lu ensemble Jean chapitre 9, les versets 35 à 41. La note explicative de ce texte est intitulée « Jésus, la lumière du monde ». Il se trouve à la page 27. Merci de le consulter avant de terminer, avant de mettre fin à votre méditation. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Il était assisté d'Edouard Yao. Je suis Adombi Alex Pacom. Bon début de semaine à vous. On se retrouve demain. Nous lirons Jean chapitre 10, les versets 1 à 10 avec le professeur Patrick Adam. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.